The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Vous écoutez Bouquinichous, le podcast de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhardt. Française d'origine iranienne, Mariam Majidi signe, après Marx et la poupée, un nouveau texte entre autofiction et autobiographie, Pour que je m'aime encore, toujours aux éditions du Nouvel Attila. Toujours, il y a cet humour comme une élégance choisie pour décrire un quotidien souvent dur, souvent triste, mais sur lequel la narratrice ne s'appesantit jamais. Dans son premier livre, c'était l'exil et la fuite de Téhéran qu'elle racontait principalement. Dans Pour que je m'aime encore, Mariam Majidi revient sur son adolescence, sa construction de jeune fille aux cheveux crépus en banlieue parisienne. Sous l'humour, elle érafle les lacunes de l'éducation nationale, la violence de la société française, sa manière de parquer les Français pas assez français pour elle. Avec humour, on a dit, et justesse, sans auto-apitoiement, ce qui rend son texte d'autant plus fort et facilite l'accès à ses niveaux de lecture pluriels. Solaire, engagée et aux antipodes de la bien-pensance actuelle, Mariam Majidi pose un regard en mouvement sur l'écriture et la société. Bonjour Mariam. Bonjour. Alors pour commencer à parler de votre nouveau roman qui est Pour que je m'aime encore, paru au Nouvel Attila, une question plus générique, c'est comment êtes-vous venue à l'écriture ? Comment je suis venue à l'écriture ? Vous voulez dire depuis le début ? Enfin, qu'est-ce qui m'a amenée à vouloir écrire dans la ouais. vie ? Oui, dans la vie, ouais, faire ce métier, si on peut dire, avant que ça devienne un métier. Alors, je ne sais pas si on pourra après peut-être discuter de ça, mais je ne sais pas si c'est un métier. Moi, je ne considère pas que le fait d'écrire soit un métier. Voilà, donc c'est plus pour moi une respiration, une nécessité, un plaisir aussi, hein, une jubilation qui est liée à la création. Donc, je dirais, voilà, déjà, je ne considère pas l'écriture comme un métier. Et mon métier, c'est je suis enseignante. Voilà, ça, c'est clairement mon travail. J'ai le statut de salarié. Voilà, j'ai un salaire qui tombe chaque mois. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est clairement pour moi la définition de métier. Et l'écriture, j'écris depuis petite. Hein, j'ai retrouvé des textes de 90. Donc, j'avais 10 ans à l'époque. Je sais pas, une nécessité de vivre et de raconter la vie. C'est déjà petite, j'avais ça en moi. Et puis ensuite, j'ai beaucoup lu. Et en fait, chaque lecture m'a donné envie d'écrire. Chaque livre lu, je me disais, ah, c'est génial, je pourrais faire comme ça. Et puis, je pourrais peut-être raconter comme ça. Voilà, jusqu'à la découverte de l'autobiographie, où là, ça s'est clairement imposé à moi. C'est ce que j'ai préféré en littérature, autobiographie, autofiction. Comment on se raconte. Et en se racontant, on tend un miroir à l'autre dans lequel il peut se reconnaître, il peut s'identifier. C'est clairement ce que j'ai choisi de faire, quoi. Oui, c'était, on peut dire, construit comme choix par rapport à vos lectures, à ce que vous ressentiez, vous venez de dire. Ouais, alors, c'est construit et pas construit. En fait, c'est étrange. C'est une forme c'est un genre, on va même dire plus précisément. Oui. C'est un genre littéraire qui s'est imposé à moi, se raconter. Voilà. Donc, je sais pas dans quelle mesure j'ai choisi consciemment d'adopter cette écriture-là, cette forme d'écriture-là, et dans quelle mesure c'est de l'inconscient et ça s'est imposé à moi. C'est assez difficile pour moi de faire la part des choses entre le choix conscient et une sorte de fatalité inconsciente d'une forme d'écriture. Ouais, un petit mélange, voilà, c'est pas tout intellectualisé, calculé, il y a aussi le mouvement naturel. Non, mais je crois que dans l'art, les choses sont pas si intellectualisées. Ça, on prend toujours les écrivains pour des intellectuels, tout ça. Mais en fait, non, on est des êtres de sensibilité, d'émotion, une part inconsciente joue énormément aussi dans le choix des sujets, dans l'écriture. Beaucoup d'auteurs vont vous dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi à un moment donné d'écrire sur tel sujet ou tel fait divers ou d'avoir mené telle enquête. Il y a beaucoup d'inconscient aussi hein, dans notre activité artistique, dans notre création. L'écriture de soi, vous la pratiquez avec un humour qui est un peu votre signature, je trouvais, c'est votre deuxième roman, ça se trouvait, ce petit ingrédient dans le premier, ça se retrouve encore plus dans le second. Comment est-ce qu'on arrive à pratiquer l'écriture de soi, qui est souvent assez littérale ou assez lourde, avec cet humour, cette distance C'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est une particularité française, mais on est quand même beaucoup en France dans une écriture de soi torturée, sur fond d'inceste, de secrets, de tabous, enfin, de non-dits comme ça qui pèseraient sur une famille. Enfin, voilà, bon. Alors, je n'ai rien contre. Je suis entrée dans l'autobiographie avec Michel Léris, L'âge d'homme, et c'est franchement pas le truc où on se marre à chaque page, quoi. Mais je trouve que Léris, dans L'âge d'homme, justement, va parler de lui, mais avec un recul, une distance et une autodérision qui moi m'a touchée. C'est ça qui me plaît en fait. C'est-à-dire, alors. C'est pas forcément drôle, mais il y a cette distance. Alors lui, lié à la psychanalyse hein, qu'il entamait, qu'il faisait aussi à un moment de l'écriture, et donc il y a une distance, il y a un recul qui moi j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit mais moi c'est comme ça que je veux faire aussi, c'est-à-dire justement avec de l'humour, alors beaucoup plus dans ce deuxième roman, parce que c'est aussi l'adolescence, parce que moi j'ai beaucoup ri en étant adolescente. Enfin, on a c'est l'âge où on se moque à peu près de tout, de soi, des autres. Bon, et donc cet humour-là me permettait justement d'avoir à la fois une distance par rapport au sujet, par rapport à l'adolescente que je fus, et en même temps d'épouser cet âge de la vie, de le comprendre encore mieux, parce que c'est le principe de l'humour, hein. C'est une distance et une compréhension à la fois. Donc, voilà, moi, je pense que c'est cette forme-là, cette manière de voir la vie, c'est-à-dire, comme disait Flaubert, voir la vie en farce et non pas en noir qui m'intéresse. Voilà. Pour que je m'aime encore, je trouvais que c'était un peu l'anti-petit Nicolas. Est-ce que vous considéreriez, en dehors de la grosse étiquette genre écriture de soi, que c'est un roman social, un roman d'apprentissage, un roman féministe, un petit peu tout ça à la fois, parce qu'en fait, un peu tout ça constitue la vie. Alors pourquoi, ça m'intéresse, pourquoi vous pensez que ça vous fait penser à l'anti-Nicolas ? Parce que dans le petit Nicolas, même s'il y a quand même beaucoup déjà de petites scénettes qui annoncent les complexités de la vie d'adulte, il y a quand même toujours un côté où tout est rose et où ça finit toujours par se résoudre. Tandis que, vous le dites parfois avec beaucoup d'humour, que certaines situations, non, ça empire à chaque fois que vous essayez, que votre adolescent se plante plein de fois, essaye de se raser entre les sourcils, oui. C'est encore pire. Enfin, il y a toujours ce côté un peu qui est plus réaliste. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et à chaque fois que vous essayez quelque chose, quelque part, c'est encore pire. Oui, alors c'est vrai que moi, je me suis dit, en fait, mais réellement, je veux dire, dans mon vécu à moi, adolescente, il n'y a rien qui n'allait. Enfin, j'aimais pas du tout ma banlieue, j'aimais pas mon collège, je trouvais que c'était miteux, misérable, j'aimais pas ma tête, mon look, mes cheveux, ma peau, enfin, il y a vraiment, j'aimais pas la maison dans laquelle on vivait parce que c'était un pauvre pavillon misérable et que je voyais bien que les copains avaient des super beaux pavillons et je voyais aussi d'autres qui vivaient dans les cités, donc espèce d'entre-deux où on n'est ni la classe moyenne un petit peu on va dire en bourgeoisie de la banlieue parisienne ni l'autre versant, c'est-à-dire immigré, vivant dans une cité, enfant d'ouvrier. Moi, j'étais ni dans l'un ni dans l'autre. J'étais dans un truc hybride, dans un entre-deux, qui me posait problème, quoi. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je choisisse un camp. Et donc, oui, effectivement, il y a rien qui va. Et c'est une héroïne qui a du mal à trouver sa place. Elle se sent ni appartenir à la banlieue, ni à Paris, ni dans une, je vous dis, dans un groupe qui serait le groupe des immigrés, parce que elle sait qu'elle est réfugiée politique, oui, et que ses parents sont des intellectuels, mais des intellectuels iraniens qui n'ont pas accès à la culture française. Enfin voilà, tout est quand même très compliqué, et c'est ce sentiment que rien n'est à sa place. Oui, et que tout est un peu paradoxal et dysfonctionne en permanence. Ah ouais, et la place est difficile à trouver. Comment elle fait, en fait ? Donc elle voit bien qu'elle ne ressemble ni à un groupe ni à un autre. Qu'en même temps, elle a de très bonnes notes, c'est une excellente élève, et qu'elle n'a pas sa place en banlieue, mais elle ne la trouve pas non plus en prépa. Donc voilà, tout est un peu à construire. C'est même pas à reconstruire, à construire sans cesse. Oui, c'est vraiment une construction, alors on pourrait dire identitaire, sociale, beaucoup de choses, mais vous montrez vraiment la construction de soi. Alors avec vos particularités, comme vous dites, immigrés, politiques, entre deux, etc. Mais il y a quand même un côté assez universel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition qui est souvent un peu dangereuse de l'universalité, mais le fait que ce que vous racontez, qui est très singulier, il puisse parler à beaucoup, beaucoup de gens, on va dire des anciens adolescents qui sont pas dans votre situation, et même à des ados qui le sont pas forcément non plus. Alors moi, je tiens énormément au concept de l'universalité. Je tiens énormément à ça. Mm-hmm. Parce que justement, quand on écrit, alors je place, parce que je sais qu'il y a énormément de controverses autour de l'universalisme finalement, voilà. Est-ce que ce n'est pas les valeurs des dominants qui ont rendu justement ces valeurs-là universelles, parce qu'ils avaient le pouvoir, un pouvoir culturel et politique de l'étendre à tous. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, c'est pas, il faut pas le prendre comme une donnée évidente, hein, l'universalisme. Il faut au contraire l'analyser. Mais dans l'écriture, pour l'auteur que je suis, quand j'écris un livre qui parle de mon vécu, puisque je suis clairement dans cette écriture de soi, et que des personnes, des lecteurs, des lectrices me disent « Moi, j'ai un vécu totalement différent et je me suis reconnue là-dedans », cet universel-là de l'écriture et de la littérature, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire. Oui. Ça veut dire que justement, je n'ai pas enfermé le roman, le livre, dans quelque chose de super rigide au niveau du contexte socio-culturel, etc. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Voilà. Donc, moi, je ne me rends pas compte, évidemment, quand j'écris. Moi, j'écris mon histoire. Et puis, je me dis, bon, tant mieux. C'est même pas tant mieux, c'est j'espère que ça pourra résonner chez les autres, mm-hmm, et qui n'ont peut-être pas forcément le même vécu que moi. Mais moi, quand j'écris juste mon histoire. Et donc, c'est une belle surprise, c'est un très beau cadeau que des gens, même parfois d'une autre génération, vous voyez, viennent me voir en me disant « Ah non, mais oui, je me suis reconnue là, moi, je me suis reconnue dans tel point. » Ça, c'est super. Oui, ça doit être porteur, en fait, et être dynamisant pour vous de. Oui, bien sûr. Et puis, tu as dit surtout le pouvoir de la littérature, parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où tout est étiqueté. Alors, attention, on n'a plus le droit de dire ça parce que ça peut choquer telle communauté. Si moi, je me mets à, je ne sais pas, enfin, je ne veux pas caricaturer parce que ce sont des combats qui sont aussi importants, mais vous voyez toute la crispation qu'il y a aujourd'hui autour de la question raciale. Mmh. Elle, pour moi, elle est fondée, elle est justifiée, et évidemment qu'il faut, et la littérature c'est aussi son rôle, de dénoncer les discriminations raciales dont sont victimes des personnes vivant aujourd'hui en France et même dans le monde entier. Évidemment que moi je trouve que c'est un combat qui est extrêmement important, mais il y a une crispation qui se fait autour de ça, et je ne voudrais pas que cette crispation elle ait lieu sur les terres de la littérature, parce que la littérature, on peut parler de tout ce qu'on veut, on n'a aucun compte à rendre. Si moi je veux me mettre dans la peau demain d'une femme noire par mon écriture, j'ai le droit de le faire, et je voudrais qu'on laisse cet espace de liberté. Voilà, je voudrais qu'on enlève cette crispation, ce truc hyper radical de la littérature. Que ça a lieu ailleurs sur des questions sociales, évidemment, mais en littérature, il y a un mot, c'est la liberté. On écrit ce qu'on veut. Voilà. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est le pouvoir de la littérature, de dire, elle est franco-iranienne, exilée, machin, elle a vécu en banlieue, elle raconte son adolescence. Et moi, bourgeoise de Port-Royal, en lisant ce roman, je me suis identifiée à l'adolescente qu'elle décrit. Voilà. Ça, c'est le pouvoir de la littérature. Ça, c'est le pouvoir, oui. Et qu'est-ce que, parce que je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites justement par rapport aux crispations, que ce soit autour des questions raciales, des questions de genre, où c'est un petit peu un fouillis en ce moment, effectivement, qui part parfois dans tous les sens. Ah oui, ça délire, quoi, ça va dans tous les sens. Ça, c'est inquiétant, moi, je trouve. Et par rapport, effectivement, à la liberté de la littérature, c'est vrai que ça peut mettre en danger. Et comment est-ce que vous réagiriez, justement? Quel serait votre ressenti, si c'était un bon texte, si une bourgeoise de Port-Royal ou du 16e, qui décide d'écrire, racontait l'enfance de son homologue en banlieue, en n'ayant jamais mis les pieds en banlieue, en ne connaissant pas forcément... Moi, je trouverais ça admirable. Oui, vous ne considéreriez pas une appropriation? Si le livre est bien écrit, mais c'est ça aussi le problème de l'appropriation culturelle, mais c'est complètement délirant. Pour moi, ça n'a aucun espace en littérature. Oui. On arrête ça. Je veux dire, alors du coup, Flaubert n'aurait pas dû écrire Madame Bovary parce qu'il se met dans la peau d'une femme, mais c'est un des plus grands romans de la littérature française, Madame Bovary. Oui. Je trouve ça hallucinant, en fait. Donc, Romain Gary n'aurait pas dû écrire La vie devant soi. Il se met dans la peau d'un enfant immigré, Momo. C'est de l'appropriation culturelle aussi. Ça pourrait, oui. Enfin, selon le prisme, moi, je nuance parce terrible. Que je ne me situe pas dedans. C'est terrible. Du coup, Duras n'a pas le droit de parler de ce que t'es l'Indochine parce que c'est une blanche française, colon ou je ne sais pas quoi. Non, mais vous vous rendez compte, on enlève 80% de la littérature, quoi. Enfin, si on doit... Et c'est là l'assignation. Et c'est ça, moi, qui me dérange. L'assignation, c'est de dire, tu as le droit de parler... que de ce que tu connais. C'est dangereux. C'est-à-dire que paradoxalement, ce sont des personnes qui dénoncent l'assignation, oui. Qui sont clairement dans un combat contre l'assignation, et qui paradoxalement s'opposent à cette espèce de truc de quoi d'appropriation culturelle, donc chacun doit rester à sa place et ne parler que de ce qu'il connaît. Je comprends pas. Du coup, alors ok, je n'ai le droit de parler que de ce que je connais, donc ça veut dire quoi? L'Iran, la banlieue, des problématiques sociales, un milieu modeste, vous voyez? Mais c'est précisément là où on m'assigne à une place. Oui, on vous définit effectivement. C'est ça qui est terrible. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, non, en fait, je suis désolée, en littérature, on parle de ce qu'on veut. Moi, si demain, je veux me mettre dans la peau d'un homme, je veux raconter un roman en me mettant dans la peau d'un homme asiatique, noir, j'en sais rien, j'ai le droit, et personne n'a à me dire, tu t'appropries un truc. Donc, en gros, c'est quoi? Moi, j'ai le droit de parler de quoi? De banlieue et d'exil? J'ai pas envie d'écrire toute ma vie sur la banlieue et l'exil. J'aimerais bien qu'on me permette d'être un peu plus libre. Et donc, il est là aussi le problème, c'est-à-dire que ça devient délirant. Ça devient délirant parce qu'on est dans une crispation identitaire. Alors, que des sociologues réfléchissent là-dessus, que des ligues de défense des minorités effectivement mènent un combat là-dessus au niveau des discriminations sociales, raciales, etc. Moi, je dis encore une fois, ces combats sont extrêmement utiles. Vous voyez, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, avec un nom étranger, on ait du mal à trouver du travail, on a du mal à trouver un logement. Oui. C'est un scandale, vraiment. C'est aussi un scandale qu'il y ait aussi peu de personnes d'origine étrangère ou d'enfants d'immigrés ou d'enfants d'ouvriers. Vous voyez, moi, là, le social et le racial, pour moi, ça va ensemble. Oui. Dans les grandes écoles, dans les voies élitistes, dans des postes de direction. Tout ça, évidemment, il faut le dénoncer. Mais en littérature, encore une fois, on a le droit de parler de ce qu'on veut. Voilà. Oui, il n'y a pas de compte à rendre à personne. D'assimilation entre, comme vous venez de le pointer, le travail des sociologues, des associations, dont c'est la fonction, dont c'est le rôle de pointer, d'alerter, éventuellement de coéser, et ce glissement qui s'opère dans toutes les sphères artistiques avec beaucoup de maladresse et beaucoup... d'abus idéologiques, si on peut dire. Oui, et puis beaucoup d'ignorance, parce que, par exemple, au Festival d'Avignon, il y a eu une mise en scène de La Cerisée avec, alors, moi, je les ai partout, le comédien est racisé. Bon, en fait, c'était un comédien noir qui jouait avec Isabelle Huppert. J'ai oublié son nom. Et le problème, il est là, c'est en fait, on parlait... Mais vous savez pourquoi j'ai oublié son nom? Parce que tout était en focal sur le fait qu'il était noir. Oui. Un acteur noir. Mais oui, mais enfin, on pourrait peut-être parler, en fait, de son parcours. C'est terrible. Et alors, tous ces trucs... Ah oui, racisé, ça y est, racisé. Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Peter Brook avait déjà travaillé avec... Ça a été d'ailleurs une des grandes révolutions à ce moment-là dans le monde du théâtre, c'est-à-dire... un acteur noir dans la troupe de Peter Brook qui ne jouait pas des rôles assignés aux noirs. Mais on en est où aujourd'hui? C'est d'un coup comme si... Vous voyez, c'est aussi beaucoup d'ignorance, moi, je trouve. Hein. Ouais, c'est-à-dire d'oublier que, bah, en fait, ça s'est déjà fait et qu'on n'en avait pas fait tout un pataquès. C'est la crispation qui fait ça. Ouais, le terme de crispation, je trouve qu'il est, il est très juste parce qu'il montre vraiment ces tensions qui se génèrent dans la société autour de toutes les questions et notamment sur les questions artistiques qui devraient être exclues de ce genre de... Totalement. Totalement. Moi, je me tiens à distance de tout ça, mais toujours, je vous dis, avec cette curiosité aussi parce que c'est quelque chose qui est là, qui est d'actualité. Mais je voudrais vraiment qu'on préserve la littérature de ça. Voilà. Et que demain, on ne soit pas obligé de se justifier, d'avoir choisi tel personnage, d'avoir écrit sur... Enfin, non, surtout pas, quoi. Il ne faut pas qu'on nous fasse un procès demain parce qu'on aurait fait de l'appropriation culturelle. Ça, pour moi, c'est délirant. Oui, je comprends votre point de vue et la manière dont ça peut limiter l'écriture et en venir aussi, parce qu'il y a très peu de littérature des... Alors là, c'est un peu un grand terme, littérature des banlieues. Déjà, il y en a peu et encore moins écrite par des femmes. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a là aussi des injonctions, quelque chose qui fait qu'une femme en banlieue déjà n'écrit pas ou que ça ne va pas être publié? Bah, écoutez, de toute façon, c'est pas compliqué. Premier film vraiment qui fait un... Enfin même, non, je crois que premier film tout court, c'est La Haine. Ouais. Kassovitz, Hobbes, on parle des banlieues dans le cinéma. OK. À partir de là, il y a tout un mouvement, en fait, enfin tout un courant du cinéma français sur la banlieue parisienne qui est axé sur violence, délinquance, course-poursuite avec la police, drogue, trafic, meurtre, etc. Oui, et principalement des hommes. De ces films, les femmes sont... Il n'y a pas de femmes. Totalement absentes de cet espace-là, sauf à titre de décoration, vous voyez. Oui, de faire valoir dans le... De faire valoir des hommes, parce que le mec, hop, il a du pouvoir, il sort avec une bombasse, comme on dit. Bon, voilà. Franchement, vous savez, c'est ce test... de remplacer le personnage féminin par un lampadaire, bah, c'est pareil, là on pourrait mettre des lampadaires, ça ne changerait rien du tout, donc elles sont totalement absentes. Et ensuite il faut attendre vraiment 2000, enfin faut attendre les années 2014, je crois que Divine, alors je ne sais plus c'est lequel le premier, je crois que c'est Bande de filles. Il y a eu Bande de filles d'abord, puis Divine. Voilà. Dans le cinéma, ouais. Et mes Bande de filles, si je ne me trompe pas, c'est 2014. Il faut attendre cette année-là pour que des femmes sont des héroïnes principales d'un film de banlieue. Oui. Et ensuite Divide, Mignonne, voilà, enfin c'est hyper intéressant quand même, hein, ce phénomène qui est vraiment un phénomène très récent. Et moi j'ai été hyper heureuse de me dire ça y est, on montre les filles, quoi, dans cet espace tellement réservé jusqu'à présent aux hommes. Et je me suis rendu compte qu'en littérature, il y a très peu de choses. En littérature, le point de vue d'une narratrice qui raconterait une expérience de la banlieue. Il y a eu récemment La Petite Dernière de Fatima Das, mais. Voilà. Voilà, mais c'est récent aussi. Pareil, c'est l'année dernière, la précédente rentrée littéraire. C'est ça. Et là, alors, il y a Grande Couronne, voilà, qui sort aussi. Enfin, ça y est, ça commence. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, les auteurs, hein, les autrices, s'emparent de cette thématique. Et moi, je suis hyper contente. Je trouve que c'est fondamental. Il y a des femmes qui vivent quand même dans cet espace, quoi. Et qui s'expriment et qui prennent la plume, le micro. Il y a aussi un peu plus de rappeuses femmes qui sont plus seulement les faire-valoir des hommes, mais aussi qui prennent la plume en littérature pour parler de leur vécu. Ouais. Totalement. Et moi, je trouve ça fondamental. Et c'est vrai que moi, c'était aussi, c'est pas seulement écrire sur le thème de l'adolescence au sein d'une banlieue parisienne, mais c'était aussi de dire une adolescente, quoi. C'est une fille qui raconte son histoire. Et c'était super important aussi d'amener dans cet espace-là le point de vue féminin, mais aussi d'autres personnages féminins. Oui. Qui sont là, qui existent, voilà. Et donc, je trouvais ça important. Je trouvais ça à l'instar des films récents, oui. Que la littérature suive aussi ce mouvement-là. Et vous, tout à l'heure, vous parliez de, bon, vous avez parlé de Flaubert, de Léris, de Romain Gary. Vos sources d'inspiration, elles sont. Quelles sont-elles ? Est-ce qu'elles sont les passées, les présentes ? Qu'est-ce qui vous inspire en littérature ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça ne va jamais être quelque chose de figé. Ça, ouais. Ça dépend en fait de plein de choses. Là, dernièrement, j'ai lu « Apérogon » de Colum McCann. Ça a été une véritable claque. Vous voyez, ça m'a vraiment inspirée sur... notamment sur toute la structure de ce livre qui est complètement éclatée, qui est complètement fragmentaire. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que c'est comme ça que j'écris aussi. Et là, je trouvais qu'il avait atteint quelque chose de sublime dans la fragmentation, en fait. Voilà, donc Apérogon, magnifique, hein, c'est un vrai chef-d'œuvre. Ça m'a énormément inspirée. Ensuite, j'ai lu quelque chose de très différent. J'ai lu une fêlure d'Emmanuel Régnier, qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais on est complètement dans une écriture intimiste de soi, mais terrible. Et en même temps, c'est raconté par le biais du... Donc, une histoire familiale terrible, mais raconté par le biais du conte et du merveilleux. Ça aussi, ça, forcément, moi, j'avais fait ça dans Marx et la poupée, hein, où le merveilleux venait... faire avaler la pilule du réel, quoi, parce que c'était un peu difficile à avaler. Ouais. Voilà, et là, je trouvais que je me suis dit, tiens, c'est des frères, voilà, c'est des frères d'écriture, il y a des similitudes, il y a des choses en commun. Donc, vous voyez, ça ne va jamais être dernièrement. Qu'est-ce que j'ai lu je ne sais plus ce que j'ai lu. C'était un essai, mais ça s'appelle La tyrannie du mérite de Sandel, de Michael Sandel, mais c'est de la sociologie américaine en plus. Mais comme moi, je dénonce la méritocratie comme étant une pure, un truc qu'on fait croire encore aux gens. Voyez, c'est un essai qui va nourrir à un moment donné une réflexion. Donc, c'est jamais un type de livre ou de style. C'est, tout dépend, voilà. Il y a toujours un mouvement, ça rejoint ce que vous disiez en début d'entretien quand vous disiez que pour vous, écrire, ce n'était pas un métier, c'était une respiration. La lecture, c'est la même chose, c'est ce mouvement permanent en fait. Permanent. Et donc, je ne peux pas vous dire, alors moi vraiment, mon truc, c'est ça et je lis ça et là, c'est parfait et je vais être inspirée. Non. Mais c'est comme la vie, c'est des rencontres. En fait, on a des rencontres avec les livres. On a une personne qui va nous parler d'un truc qu'elle a lu, et hop, on va aller voir. C'est une émission de radio à un moment donné qui va parler d'un livre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est basé sur le hasard. Oui, sur le hasard des rencontres. Vous faites votre propre patchwork d'inspiration. Totalement. Ouais, totalement. Et pour finir cet entretien, quels sont vos projets ? Est-ce que vous êtes déjà sur un autre texte ? Est-ce que vous en avez en tête ? Est-ce que c'est toujours dans ce même registre ? Est-ce que vous allez explorer d'autres genres ? Bref, qu'est-ce que vous avez en tête ? Oui, j'ai évidemment un autre livre en tête. Mais c'est trop tôt pour... pour en parler parce que le sujet est encore très, très en mouvement. Voilà. Ouais. Mais je pense que... Excusez-moi. Pense que je vais vers... alors, j'irai moins d'auto et plus de fiction. D'accord. Ouais. Je m'éloigne un peu de l'autobiographie, de l'écriture de soi, comme ça, à proprement parler, basée sur le vécu. Oui. Et j'ai envie d'aller vers plus de fiction. Voilà. Bon. Eh bien, avec hâte, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et en attendant, il y a donc « Pour que je m'aime encore », qui est paru aux éditions du Nouvel Attila. Et merci beaucoup, Mariam Majidi, pour ce podcast, cet entretien. C'est moi qui vous remercie.